السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc nous continuons bien Allah tabaraka wa ta'ala la lecture de notre poème intitulé Le cheminement vers Allah et la demeure de l'au-delà de l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Donc qui a pour sujet, comme cité dans le cours précédent, les étapes et les degrés par lesquels celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala doit passer et les œuvres du cœur, de la langue et des membres qu'il doit accomplir. Et donc après que l'auteur rahimahullah a cité dans le cours précédent le délaissement de toutes les voies de la perdition, ainsi que l'étape de la sincérité, al-ikhlas, et celle du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a, il nous dit ici, rahimahullah, « فَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَ الرَّجَاءَ وَالْخَوْفِ لِلدَّيَّانِ » Il nous dit, rahimahullah, « et ils sont ceux qui ont bâti les degrés de leur cheminement entre l'espoir et la peur du Ad-Dayyan. » Ad-Dayyan qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pour sens le souverain, al-Malik, ou le juge, celui qui jugera ses serviteurs, yawm al-qiyama. Donc, l'auteur, rahimahullah, nous cite ici deux autres étapes et deux autres degrés, qui sont la peur et l'espoir. Al-khawf wa al-raja'a, à propos duquel certains gens de science ont dit qu'ils étaient comme les yeux dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils sont comparables aux yeux avec lesquels la personne avance dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, ar-raja, l'espoir, par lequel l'auteur rahimahullah a commencé. فَهُمُ الَّذِينَ بَنَوْا مَنَازِلَ سَيْرِهِمْ بَيْنَ الرَّجَاء وَالْخَوْفِ لِلدَّيَّانِ. Donc ar-raja, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sans aucun doute un acte d'adoration immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Le fait que son serviteur ait espoir en lui, espoir en sa miséricorde, espoir en son secours, espoir en sa grâce subhanahu wa ta'ala, qui a pour contraire al-ya's, qui est le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Si ce n'est les égarés. Surat al-Hijr, verset numéro 56. Donc, ar-raja, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa miséricorde, qui a été défini par l'imam ibn al-Qayyim rahimahullah comme étant un nazaru ila sa'ati rahmatillah. Donc, le fait de regarder la largesse de la miséricorde d'Allah. Al-nadaru ila sa'ati rahmatillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina amanu walladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, ceux qui ont cru et ceux qui ont émigré et ont combattu dans le sentier d'Allah, ceux-là sont ceux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Tout comme nous dit subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudusi, sa parole subhanahu wa ta'ala, ô enfant d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne tes péchés, quelle que soit leur quantité. Yabn Adam, innaka ma da'outani wa raja'outani ghafartu laka. Et donc, nous avons bien notre preuve religieuse venant montrer l'importance du raja, de l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et venant pousser le serviteur à placer ses espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ici, concernant Ar-Raja, l'espoir, il y a un point important à connaître. Ce point est que l'espoir qui est louable et vers lequel incitent et appellent les textes religieux, et qui est un acte d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, est l'espoir qui est accompagné d'œuvres. Ar-Raja bil-amal. C'est-à-dire que la personne, à titre d'exemple, accomplit un acte d'obéissance et donc a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte cela de lui. Ou bien la personne se repent d'un péché et donc demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché, regrette ce péché et a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte ce repentir. Donc, ar-raja bil-amal. Lorsqu'on a fait un acte d'obéissance, on a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte cela de nous. Lorsque la personne commet un péché et qu'elle se repent, elle a espoir en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte son repentir. Et donc cela à l'inverse de l'espoir biduni amal. Ar-raja biduni amal. L'espoir sans œuvre, sans accomplir de cause. Comme celui par exemple qui persiste sur le péché sans se repentir, puis lorsqu'on lui rappelle cela, prétend se baser ou espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, n'obéit pas à ses ordres, puis prétend se baser ou se reposer sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout cela n'est pas al-raja al-mahmoud, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala qui est louable, mais cela est appelé par les gens de science rururun wa tamannin, de faux espoirs. De faux espoirs. Comme nous le voyons dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il nous dit, subhana, d'après l'essence du verset, et quiconque espère la rencontre de son Seigneur, alors qu'il œuvre par les œuvres pieuses, et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. Donc ici, alors qu'il œuvre. Donc celui qui est véridique dans le fait d'avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala se doit d'œuvrer et de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte de lui ses œuvres et qu'il accepte de lui son repentir. Donc, en résumé, comme l'a cité certains salafs, alamatu husnu ar-raja sihhatu at-ta'a. Le signe du bon espoir de la personne en Allah est la bonne obéissance. Donc le fait qu'il obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala est un signe qu'il a réellement espoir en lui subhanahu wa ta'ala. Et il faut aussi savoir que l'espoir, ar-raja al-mahmoud, ar-raja al-sahih, l'espoir qui est bon et qui est correct, est celui qui est accompagné de peur et d'amour. De peur et d'amour. Donc les trois doivent être réunis, qui sont les trois ensemble appelés arkan al-ta'abud, les piliers de l'adoration, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et donc par la suite, l'auteur a cité al-khawf, la peur, qui est aussi un acte d'adoration immense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et qui ne doit être dirigé que vers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est aussi un des signes de la foi correcte. Al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc al-khawf, qui est le fait de prévoir d'être touché par une chose détestable, ou de perdre, ou de passer à côté d'une chose aimée. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. N'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes véritablement croyants. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, à propos des meilleurs de ses serviteurs, qui sont les prophètes et les messagers, il nous dit, subhanahu wa ta'ala, à leur sujet: إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Et certes, ils concuraient au bien, ils se concurrençaient dans le bien et nous invoquaient par amour et crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Surat al-Anbiya, les prophètes, verset 90. Et ici aussi, encore une fois, la peur qui va être louable est celle qui va pousser le serviteur à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser les actes de désobéissance par peur de son châtiment subhanahu wa ta'ala. Et quant à la peur qui atteint le stade où la personne désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son pardon, alors cela n'est pas louable. Mais, comme cité, cela fait partie des grands péchés. Al-yas min rahmatillah, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est un égarement. Wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Donc, le croyant chemine sans cesse entre la peur et l'espoir. Bayn al-khawfi wa ar-raja. Lorsqu'il accomplit un acte d'adoration, il réunit entre la peur et l'espoir. La peur que cela soit rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ses manquements. Et l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cela de lui du fait de son immense miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et cela est de même pour les péchés et les fautes qu'il peut accomplir. Donc il réunit à ce moment-là entre la peur et l'espoir. La peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie pour ses péchés qu'il a accomplis, et l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le pardonner et accepter son repentir. Et parmi les preuves qui montrent l'obligation et l'importance de réunir entre la peur et l'espoir, en plus des textes cités précédemment, ce qui était rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, lorsqu'il a visité une jeune personne qui était proche de la mort, il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Kayfa tajiduk, comment te sens-tu ? » Il a répondu, « J'ai espoir en Allah et peur de mes péchés. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Ces deux choses ne sont pas réunies dans le cœur d'un serviteur à un moment comme celui-ci, sans qu'Allah ne lui accorde ce qu'il espère et le mette en sûreté face à ce dont quoi il a peur. » Donc le fait que cela soit réuni dans le serviteur, la peur et l'espoir, est une des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'apaise et le mette en sûreté face à ce dont quoi il a peur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce qu'il espère. Donc, ar-raja wal-khawf. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit, وَهُمُ الَّذِينَ مَلَى الْإِلَهُ قُلُوبَهُمْ بِوِدَادِهِ وَمَحَبَّةِ الرَّحْمَانِ. Il nous dit, rahimahullah, et ils sont ceux dont la divinité a rempli le cœur de son affection et de l'amour du tout miséricordieux. Donc ici, manzilatul mahabba, le degré de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aussi un acte d'adoration immense, qui est la base de tous les actes d'adoration, et qui est aussi associé à la peur et l'espoir comme cité. C'est-à-dire que ces trois doivent être présents lors de chaque acte d'adoration. Al-khawf, la peur, wal-raja, l'espoir, wal-mahabba, et l'amour. Donc le croyant adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour, peur et espoir. Et ces trois points donc sont appelés arkan at-ta'abbud, les piliers sur lesquels repose chaque acte d'adoration. Donc, chaque acte d'adoration doit être fait avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, peur et espoir. Donc ces trois piliers que nous trouvons, entre autres, dans Surat al-Fatiha. Donc, dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, qui nous ordonne de dire « Alhamdulillahi Rabbil Alameen »« Louange à Allah, Seigneur de l'univers » Ici, « Alhamd » qui, en arabe, ne se dit que pour une chose que l'on aime et qu'on immensifie. Contrairement à ce qui est appelé « Al-Thana » donc les éloges qui peuvent être dits avec ou sans amour. Donc la personne peut faire des éloges à une personne qu'elle aime ou bien dans le but de se préserver d'un mal ou d'avoir un intérêt à dire cet éloge, alors que les louanges, Alhamd, ne sont faits que par amour. Donc ici, Alhamdulillahi Rabbil Alamin nous montre l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'espoir dans sa parole, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc il pousse la personne à avoir espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis la peur, Al-Khawf, dans sa parole, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc ici, Al-Khawf, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va juger ses créatures. Puis, après avoir dit cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne de dire « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons aide. Donc, ici, après avoir concrétisé l'amour, la peur et l'espoir, le serviteur adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, donc avec amour, peur et espoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de l'amour que les croyants ont pour lui, subhanah. Il nous dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il nous dit, subhanah, d'après le sens du verset, parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme l'on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour pour Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour pour Allah. Surat al-Baqara, verset 165. Donc, al-Mahabba, l'amour, comme cité donc qui est la base de toutes les adorations. Et qui a été comparé à la tête de l'oiseau, sans laquelle il ne peut vivre. Et quant à la peur et l'espoir, ils sont comparables aux ailes de cet oiseau, par lesquelles il vole et sans lesquelles il ne peut se déplacer et donc est à la merci de tout prédateur. Donc la tête qui est le plus important, sans laquelle l'oiseau ne peut vivre, al-mahabba. Puis les ailes qui sont comparables à la peur et l'espoir avec lesquelles il peut se déplacer et se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il n'y a aucun doute que toute personne qui prétend à la foi va aussi prétendre à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala a des signes qui montrent que la personne est véridique dans l'amour qu'elle a pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les signes de la véracité de la personne lorsqu'elle dit qu'elle aime Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Et Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Et l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a cité 10 causes permettant d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont premièrement la lecture du Coran avec méditation de ses sens en recherchant sa compréhension. Deuxièmement, le fait d'accomplir un grand nombre d'actes surrogatoires après les actes obligatoires. Troisièmement, le fait d'évoquer constamment Allah subhanahu wa ta'ala, al-ikthar min dhikri. Quatrièmement, le fait de préférer, de mettre en avant ce qu'Allah aime à ce vers quoi penche son âme. Cinquièmement, le fait de méditer sur les noms et attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'impact qu'ils ont. Sixièmement, le fait de méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, le fait de se tenir devant lui subhanahu wa ta'ala avec un cœur rempli d'humilité. Huitièmement, le fait de s'isoler pour l'invoquer au dernier tiers de la nuit, donc lors de la descente divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Neuvièmement, le fait de fréquenter les gens de bien et les vertueux. Et dixièmement, le fait de s'écarter de toute cause venant s'interposer, se placer entre le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et donc, parmi les causes pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cité par Ibn Qayyim rahimahullah, le fait de l'invoquer abondamment subhanahu wa ta'ala, al-ikthar min dhikri. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah nous dit dans le vers suivant, le prochain degré qui est dans sa parole rahimahullah, fahumul ladhina aktharu min dhikrihi fi sirri wal i'lan wal ahyan. Il nous dit rahimahullah, et ils sont ceux qui l'invoquent abondamment, en secret, en public et à chaque moment. Donc, al-ikthar min dhikrillah, le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala abondamment. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Il nous dit, subhanah, d'après l'essence du verset, ô vous qui avez cru, évoquez Allah abondamment et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du dhikr, donc l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses mérites, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous informe de la meilleure de vos œuvres? est la plus pure auprès de votre Seigneur, est la plus pure auprès de votre roi, est la plus haute pour vous en degré, qui est meilleure pour vous que de dépenser l'or et l'argent, une œuvre qui est meilleure que le fait que vous rencontrez vos ennemis et que vous leur frappez la nuque et qu'ils vous frappent la vôtre, dhikrullah, l'évocation d'Allah. Il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, sabaqa al-mufarridun, les solitaires ont pris de l'avance. Ils ont dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont al-mufarridun, les solitaires? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah. Donc le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala amoudamment est une des causes qui fait que la personne se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et dépasse et devance le reste des croyants qui n'ont pas cette abondance dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi enjoint le noble compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu de dire à la fin de chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer et t'être reconnaissant et t'adorer de la meilleure manière. Donc il est important que le musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation en espérant faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide à l'évoquer abondamment. Et parmi les mérites du dhikr, de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus qu'il soit une cause menant à l'amour d'Allah, le fait qu'il éloigne des signes de l'hypocrisie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos des hypocrites, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, et ils n'invoquent Allah que très peu. Donc la personne en évoquant, et il n'évoque Allah que très peu. Donc la personne en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala s'éloigne des signes de l'hypocrisie. Tout comme le dhikr est une cause de la dissipation des angoisses et des soucis du serviteur. Il est aussi une cause pour alléger au serviteur l'accomplissement des actes d'adoration. Et encore plus que ça, le dhikr fait en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même évoque son serviteur lorsque celui l'évoque. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fadhkuruni adhkurkum » et rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Et comme cité dans le hadith, lorsqu'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous aider à l'évoquer, à lui être reconnaissant et à l'adorer de la meilleure des manières. Puis l'auteur rahimahullah nous dit: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. Il nous dit, rahimahullah, il se rapproche du souverain par l'accomplissement de son obéissance et le délaissement de la désobéissance. Accomplir les actes obligatoires et surrogatoires et leur habitude tout en voyant le manque et la déficience, donc dans lequel ils sont dans leurs œuvres. Donc l'auteur ici, rahimahullah, nous cite plusieurs degrés et plusieurs étapes. Premièrement, le fait d'être constant dans l'accomplissement des actes obligatoires et le délaissement des actes interdits. Puis, le fait d'être constant dans l'accomplissement des actes surérogatoires après avoir accompli les actes obligatoires. Donc, parmi les étapes par lesquelles doit obligatoirement passer celui qui chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala après la peur et l'espoir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et après le fait de l'évoquer abondamment, le fait d'être constant dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en commençant par ce qui est obligatoire. Puis, après cela, le fait d'accourir à multiplier les actes d'adoration surérogatoires. Cela comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le hadith al-Qudusi. Il nous dit, subhana, ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Il nous dit, subhana, d'après le sens du hadith, mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose qui est plus aimée de moi que par l'accomplissement de ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis, donc ensuite, il ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Donc ici, après avoir fait ce qui est obligatoire, le serviteur accourt à multiplier les actes d'adoration surrogatoires. Et l'auteur nous cite aussi, dans cette étape, un point qui est important et un degré qui est important, qui est accompagné du fait d'accourir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de voir et de se rendre compte des manquements dans lesquels la personne est lorsqu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, une chose qui est d'une très grande importance et qui permet au serviteur d'être préservé de certaines maladies du cœur, comme la vanité ou bien l'autosatisfaction, l'ujub, qui sont des causes pour que l'œuvre ne soit pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que la personne soit fière de ce qu'elle a fait, pense qu'elle a un mérite à avoir fait tel ou tel acte. Donc ici, at-taqsir, ru'yatu at-taqsir, le fait que la personne se rende compte et voit ses manquements et ses défauts dans l'adoration qu'elle a pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un degré immense et qui montre la science de la personne et la connaissance quant à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux manquements sur lesquels est le serviteur. An-naqs alladhi yakunu fi. Donc, le fait de voir les manquements que le serviteur a. Et c'est pour cela que plusieurs actes d'adoration ont été légiférés, ou bien qu'il a été légiféré après plusieurs actes d'adoration, comme la prière, ou bien al-hajj, ou bien après avoir prié la nuit, lorsque la personne est au dernier tiers de la nuit, il a été légiféré al-istighfar, la demande de pardon. Wastaghfirullah, après le hajj. Après la salah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait la prière, il disait Astaghfirullah thalathan, trois fois. Donc tout cela permet au serviteur de prendre conscience de ses manquements et va, comme cité, repousser de lui, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, ses maladies citées qui sont al-ujb ou bien al-kibr ou autre. Donc le croyant est constamment entre le fait d'accourir aux œuvres de bien, de les multiplier, et le fait de voir ses manquements et ses défauts, ce qui va le pousser à ne pas être pris d'orgueil, de vanité ou autre, mais au contraire, donc à se sentir constamment un serviteur indigent, un serviteur dans le besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le besoin de son pardon subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. Hada wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin, et la suite sera bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala pour notre prochain cours. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.